Rooks du Rock FM, ça fait du bien, par où ça passe. Rooks du Rock FM. Rooks du Rock. Par où ça passe. Bonsoir à tous, bienvenue à la Rooks du Rock. Et bonsoir. Bonsoir à Chloé. Et bonsoir. Bonsoir aux filles. Merci d'être avec moi. Comment pour... Ce point Rooks du Rock. Alors, je ne sais pas si nos chers invités nous entendent à l'extérieur. J'ai l'impression qu'ils ne nous entendent pas. Ils ne nous entendent des petits pas. Trucs, comme quoi c'est assuré. C'est saccadé. C'est saccadé. Eh bien, écoutez. C'est saccadé, alors. Il paraît que. Mais non, mais Hugo, ce n'est pas ça. Le jingle, il est passé comme de la crème. Ça veut dire que ce n'est pas saccadé. Alors attendez, je vais vous proposer une autre solution et vous allez me dire si ça fonctionne. Est-ce que là, ça fonctionne? Est-ce que vous m'entendez comme il faut? Attendez. Hop là. Alors là, est-ce que c'est bien? Super. Allez hop, c'est parti. Voilà, Chloé, ne vous concentrez pas sur la voix qui ressort à l'extérieur de la maison parce qu'il y a un petit décalage et ça va vous bouleverser. Décalage. Non, ça ne me bouleverse pas. Vous savez, j'ai fait la matinale pendant 2 mois, j'ai fait la matinale. Je sais ce que c'est que le différé. Vous aviez le différé? J'avais le différé avec la matinale. Vous savez qu'il y a un petit bouton pour faire qu'il n'y ait plus le différé. Je l'ai vu dans les derniers jours. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Ah, c'est comme ça, quand on teste des choses. Alors là, je l'ai mis parce que c'est plus pratique pour nos chers amis auditeurs qui sont à l'extérieur du studio. Tout à fait. Pour qu'ils puissent nous écouter en même temps. Mais j'ai pas l'impression qu'ils nous écoutent. Ils nous écoutent pas, ils s'en fichent, ils sont dans leur discussion. Je vois qu'Alain Soulard, il s'en fiche complètement. Eh ben écoute, tant pis pour eux, oh. Tant pis pour eux. Nous, c'est bon, on peut pas mettre plus fort, oh. Vous mettez plus fort sur la chaîne ici. J'ai mis à fond. Vous pouvez monter. C'est vous qui mettez à fond. Il y a un bouton sur l'enceinte, je te dis. Bon, alors Chloé, merci d'être avec moi dans le studio. Merci de m'avoir invité. Plutôt dans la cuisine. Studio cuisine. Alors Chloé, vous allez me raconter qu'est-ce qu'on a fait depuis tout à l'heure. Eh bien. Depuis tout à l'heure, c'est très simple, Ophélie. Tout à l'heure, quand nous avons quitté les auditeurs, nous étions en train d'attendre les gens, tout en train à de fait. Préparer là, cette Rooks du Rock. Je ne sais pas quelle édition déjà de Rooks du Rock. C'est la troisième, quatrième, je ne sais pas. Aucune idée. Quoique je crois que la première a-t-elle débuté en 2012? Non, pas du tout. Alors la première, c'était en 2016. Et j'en mettrai ma main à couper. Eh bien, ça veut dire que ça fait peut-être 4 années. Non, ça peut-être fait pas 4 années. Il y a une année où il n'y en a pas eu. Ah oui. Ah voilà. Enfin bref, nous étions en train de préparer donc cette Rooks du Rock. Oui. Et quand nous avons coupé le direct, eh bien nous sommes mis en marche, comme dirait notre président, pour faire des cocktails. Oui. Des cocktails. Donc nous avons commencé tout d'abord par un Campari qui était vraiment de très bonne qualité. Hein. C'est notre ami Julien Purnaud qui nous a fait ce petit cocktail. Voilà. Julien Purnaud nous a fait des petits Campari. Et ensuite, Ophélie, vous avez eu l'amabilité de nous faire des cosmopolitains. Non, s'il vous plaît, vous ne dites pas ça comme je ça. Je ne dis pas bien. Des cosmopolitains. Et écoutez, c'est fou parce qu'au moment donné où nous avons commencé à boire nos cocktails, les invités sont arrivés. Alors non, Nous avons qui? Ah non, ne dites pas tout. Ah, je vous ne dis pas tout alors. Donc, les premiers invités sont arrivés. Exactement. Et donc, nous avons commencé à sociabiliser. C'était très sympathique, ma foi. Alors, parlez bien en face du micro. Ma foi, c'était très sympathique. Et ensuite, eh bien, écoutez, nous avons pris l'aperitivo, comme on dit en Italie. Tout à fait. Et par la suite, un petit peu en retard sur le programme, mais ce n'est pas très grave, je l'avoue, ce n'est pas très très grave. Nous avions prévenu que nous n'allions peut-être pas être dans le programme. Tout à fait. Nous sommes passés à table. Oui. Alors, Chloé, si je peux me permettre, je voudrais vous interrompre maintenant. Avant plaisir. De passer à table, il s'est quand même passé pas mal de choses. Ah, et je tiens à dire qu'entre le moment où nous avons terminé le direct, où il était 18h01, on a dit que les invités étaient déjà en retard, tout à fait. Ils sont arrivés quand même au moins... Une heure et demie après. Entre une heure et demie et 2 heures en retard quand même. Tout à fait. Comment on explique ça, Chloé Soulard, dites-moi. Écoutez, on explique ça tout simplement parce que, écoutez, les gens ont des choses à faire, voilà, les gens ont leur planning. Oui, mais c'est bien dommage. C'est bien dommage. De toute façon, nous ne sommes pas une heure près, c'est pas grave, l'important c'est qu'ils soient venus. Oui, bien sûr, mais attendez. Je trouvais quand même que il faut être ponctuel dans la vie. Mais bon, c'est vrai que je veux être ponctuel dans la vie, je vous l'accorde. D'accord. Permettez-moi de vous l'accorder. Merci. Je vous l'accorde. Merci de me l'accorder. Alors Chloé, on parlait juste avant, on parlait du cocktail. On va revenir un petit peu sur les cocktails parce que c'est quand même très important. Le Campari qui a été préparé par Julien était particulièrement bon. Vous en avez goûté un? J'en ai goûté un, en effet. tout à fait. Et il faut savoir que moi, je n'aime pas trop les trucs amers d'habitude. Oui. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui aime les choses amères. Oui. Les trucs amers, à part le ministère amer, moi, je ne suis pas très fan. Vous connaissez le ministère amer? Eh bien, vous devriez écouter ministère amer. C'est le bon vieux rap des années 90. D'accord. Français, comme on les aime. Par exemple, vous pouvez écouter Sacrifice de poulet de ministère amer. D'accord. C'est vraiment très bonne qualité. Ensuite, Campari. Il y a d'ailleurs Stormy Bugsy qui était dans Ministère Amer. Voilà, je vous le dis comme ça. Vous me le redites ou pas? Je vous le redis même. Bon, le Campari. Bref, le Campari était très très bon. Et il avait mis une petite tranche d'orange. Une petite tranche d'orange dedans. C'était magnifique. Et José n'a pas trop apprécié les Campari. Non, mais José n'aime pas trop les trucs amers. Mais je crois qu'Alain Soulard a beaucoup apprécié, puisqu'il en a redemandé un deuxième. Oui, ainsi que Hugo Soulard, notre frère, qui en a demandé un deuxième. Alors, on va parler maintenant du cosmopolitain. Alors, Chloé, vous avez bu un cosmopolitain. Nous sommes plusieurs à avoir bu des cosmopolitains. Il y a, je pense, 4-5 personnes ici qui ont bu des cosmopolitains. Je les ai fait avec amour. J'ai regardé la recette sur Google. Je vous avoue que... Est-ce que c'était la recette de Sex and the City? Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai rajouté du jus de canneberge. Et malgré tout... Il était très fort. Il était quand même très fort. Il a un peu pété la gueule. Après mes deux cosmopolitains, je me suis dit, oh là là là là. Vous voulez dire, après vos deux cosmopolitains, vos deux cosmopolitains... Oui. Et un Campari, vous aviez vu un Campari au début. J'avais quand même bu aussi un Campari. Mais le Campari, je pense que c'est quand même un petit peu moins fort. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que c'est kiff. Alors bon, Hugo, installez-vous. Je vois que vous êtes là, vous attendez. Installez-vous en tout cas à notre studio. Installez-vous, Hugo. Installez-vous. Mais si vous installez pas, on continue de parler. Hein. Oh. Non, mais Hugo, tant que vous n'êtes pas assis, le micro n'est pas allumé. Voilà, je vous le dis, je ne vous le redirai pas une autre fois. C'est comme ça dans le studio de Roux du Rock FM, on est comme ça, on est carré, on voilà. Chloé. Vous voulez dire que vous êtes Isabelle Carré? Isabelle Boulet. Bref. Chloé. Oui. Dites-moi, c'est quoi cette petite boîte qui est juste à côté du micro? Vous voulez dire la petite boîte qui est à ma gauche? Oui. Eh bien écoutez, c'est une petite boîte avec laquelle vous pouvez... comment on pourrait dire ça C'est une petite boîte avec laquelle vous pouvez faire que vos herbes de Provence, par exemple, oui, elles soient beaucoup plus fines pour accompagner vos desserts, vos plats, tous vos plats, par exemple des viandes, des poissons, des légumes. Eh bien, cette petite boîte, vous mettez vos petites herbes dedans, vous tournez un petit peu la boîte pour faire un petit mouvement de friction, si vous voulez, à l'intérieur de la boîte. Et après, ça vous fait que vos herbes de Provence, elles sont beaucoup plus fines. Mais alors Chloé, expliquez-moi, pourquoi avez-vous cette boîte sur vous? J'ai cette petite boîte parce que moi j'apprécie beaucoup les herbes de Provence. Voilà, ça, c'est le sud, c'est la sympathie, ça sent bon. Si je vous fais sentir là comme ça. Attendez, oui, faites-moi sentir. Voilà. Ouh là là là là là là, il y en a des herbes de Provence là-dedans. Ouh, alors ça c'est pas les herbes de Provence que j'apprécie, hein. mais c'est super. Bah, écoutez, moi j'apprécie beaucoup ces herbes de Provence. Parlez dans le micro s'il vous plaît. J'apprécie beaucoup ces herbes de Provence et du coup je vais me faire une cigarette à ces herbes de Provence. D'accord, c'est sympathique. Voilà. Ça parfume, oui. Ça fait du bien par où ça passe. Comme la Roux du Rock FM. Alors Chloé, tout à l'heure on parlait des cocktails, on a parlé du Cosmopolitan, on a parlé du Campari, mais ensuite que s'est-il passé? C'est vrai qu'on a oublié de préciser ça, mais entre-temps, Alain et José, nos géniteurs, sont partis au Super U de Varade. Vous avez raison. Vous avez raison. Super U de Varade ou Super U dans Super U de Varade. Super U de Varade pour aller chercher une tireuse à bière. Et ça, Ça a été magnifique puisque nous avons du coup une bière pression bien fraîche. Je vois d'ailleurs que Cola Charrier et Quentin Boiteau sont à côté de cette magnifique tireuse à bière et sont en train de se repaître de cette très bonne bière qui est très fraîche, très bonne et qui ne mousse pas trop vraiment. Non, c'est vrai magnifique. Qu'elle est bien, elle est bien. Alors, elle est bien. Il nous acquiesce du visage en nous disant que oui, en effet, elle est de qualité. Alors avant de continuer, je voudrais juste dire à Cola Charrier et Quentin Boiteau que bien sûr, ils sont les bienvenus dans notre studio. Hein, ils peuvent venir à tout moment. Mais bon, continuons sur... Tout à fait. Donc, nous avons divulgaché des invités. Oui, bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Nous avons divulgué ces invités, voilà. Bon, eh bien, écoutez, nous étions en train de nous dire, peut-être que nous allons faire un jeu, je ne sais pas. Peut-être on était en train de réfléchir, tout en étant en train d'écouter une magnifique playlist faite par vos soins, avec lesquels je vous ai conseillé peut-être quelques chansons. Et donc, on était en train d'écouter la playlist Spectacle Vivant, qui était vraiment de qualité quand nos premiers invités sont apparus. Alors, Monsieur Cola Charrier et Monsieur Quentin Boiteau viennent de nous rejoindre dans le studio. Alors, je vais juste, messieurs, si ça ne vous dérange pas, je pense que vous n'allez pas m'en vouloir. Je vais juste enlever vos bières parce qu'il y a du matériel radiophonique. Vous mettez les bières juste à côté sur la table, si ça ne vous dérange pas. C'est juste pour au cas où il y a un mouvement de précaution. Nous sommes tout à fait d'accord. On peut les garder dans la main. Vous pouvez les garder dans la main si vous voulez. Mais alors. Super. Il va falloir, messieurs, parler plus près du micro que ça. Bonjour. Voilà, il faut presque vous connaître. Bonjour à vous. Voilà, c'est parfait. Très content. Bonjour, plus micro. Plus près, voilà. Bonjour, mesdames. Voilà, c'est parfait, messieurs. Bonjour, messieurs aussi. Alors, Cola et Quentin, on était en train de parler, là, juste à l'instant. On parlait de la tireuse à bière, bien évidemment, mais on allait parler du gratin que nous avons mangé. Alors, Quentin, il s'est passé quelque chose ce soir ? Il s'est passé bien des choses. Il y avait du chèvre. Il y avait du fromage de chèvre dans le gratin. Et vous n'aimez pas le fromage de chèvre ? Ah ben non, parce que mon dada, c'est la vache qui rit. Ah. Au lit. Et alors, que s'est-il passé ? Il s'est passé que j'étais en train de préparer le gratin et je me suis dit, pardi, il y a quelqu'un ici qui n'aime pas le fromage de chèvre, c'est sûr. Et du coup, je me suis dit, mais qui n'aime pas le fromage de chèvre ? Et je me suis rappelé peut-être que c'est Quentin. Du coup, je suis venu vous voir, je vous ai dit, Quentin, c'est vous qui n'aimez pas le fromage de chèvre ? Vous m'avez dit, oui, c'est moi qui n'aime pas le fromage de chèvre. C'est véridique. Voilà, et du coup, j'ai fait une part sans fromage de chèvre. Sauf que, je ne savais pas, vous aviez déjà mangé. Ah, j'ai pris mon coup. Vous aviez prévu votre coup. J'ai vu sur le menu fromage de chèvre et du coup, j'ai mangé une petite pizza avant de venir. Et il y avait quand même du fromage au cumin. Vous aimez tout type de fromage ? Non. Outre le fromage de chèvre ? J'aime pas le fromage en général. Ah. C'est ma série. Mais alors, le fromage au cumin, c'est-à-dire que le goût d'acumin, ça vous aimez ? C'est mon dada. Ah. Ça, c'est bon de savoir. Notez-le si vous voulez faire un petit cadeau peut-être. Et la vache qui rit. À Quentin. Vous aimez la vache qui rit, c'est vrai. C'est toujours été, ouais. J'ai même un tablier vache qui rit. Ah. 4 étoiles. Chef vache qui rit. Si vous voulez, moi j'ai une petite recette là, comme ça je vous le donne. C'est très facile à faire si jamais vous avez des invités qui arrivent à l'improviste et dans votre frigo vous n'avez pas grand-chose, vous avez juste quelques petites portions de vache qui rit, vous avez peut-être des œufs, de la moutarde. Eh bien écoutez, vous faites cuire des œufs. Vous les écrasez avec de la vache qui rit. Vous mettez une petite cuillère à café de moutarde pour donner un petit peu de goût, du sel et du poivre. Et bam, vous mettez ça sur des tartines et ça fait un super apéritif. Toi, t'as mangé le premier étage du paquet de vache qui rit avec la première recette vache qui rit. Alors, il y a José qui arrive et qui va... Voilà. Oh alors, Quentin, est-ce que vous pourriez décrire, s'il vous plaît, à nos auditeurs qui ne sont pas présents avec nous, qui sont dans la pièce d'à côté, est-ce que vous pourriez décrire ce que José vient de vous donner au micro, s'il vous plaît. Nous avons droit à... C'est cadeau ? C'est cadeau. C'est cadeau, oh, wow, c'est cadeau. José vient de faire un cadeau à Quentin. Et c'est même pas son anniversaire, c'est même pas son anniversaire. Par contre, c'est son anniversaire il n'y a pas si longtemps que ça. Le mois d'août, c'est tout mon anniversaire. Comme moi. Et du coup, c'est un petit livre sur 37 cultes à base de vache qui rit. Et il y a de la sauce tomate derrière, c'est bizarre. Je vais le feuilleter un petit peu et vous donner des nouvelles. Oh, Je pense que c'est de la soupe à la tomate dans laquelle tu mets une petite vache qui rit. Je crois que c'est sympathique. Petite portion de vache qui rit. Oh, c'est vrai que ça, dans la soupe, une bonne petite soupe aux légumes, vous mettez une petite portion de vache qui rit et directement, c'est gourmand. Moi, j'ai une question. Alors allez-y, Cola, vous avez une question. J'ai une question, je comprends pas pourquoi dans la cuisine indienne, on nous met de la vache qui rit un peu partout. Ah, c'est les nanes, ça. Dans les nanes et aussi bien dans les petites dalles de lentilles, on retrouve un petit peu de fromage vache qui rit. Alors, je ne sais pas, mais peut-être qu'on pourrait essayer de se renseigner. J'aimerais qu'on se renseigne. On va se renseigner. Chers amis dans le studio, on va faire une petite pause musicale. Le temps de se renseigner sur la question de Cola qui est très intéressante. Merci. Et ensuite, on parlera de... du gratin dont on a parlé un petit peu, mais il faut en parler encore un peu plus. On va en parler en profondeur. On va parler du plateau de fromage, on n'en a pas parlé. On va parler des bouteilles de vin. Ça a l'air très sur la table. On va parler d'autres choses encore. On va faire une petite pause musicale avec une chanson qui est un oups. Alors je vais couper vos micros parce que vous dites n'importe quoi. On va écouter une chanson qui est un oups réalisée par Julien Purneau, Ophélie Soulard et Damien Jeanne. Lors d'une soirée d'un samedi soir bien arrosé. Alors Chloé, hop, j'allume votre micro. C'est magnifique, j'avais hâte de l'écouter. Vous l'avez déjà entendu ? J'ai déjà entendu et je suis vraiment très heureuse, profondément joyeuse que tout le monde puisse l'écouter parce que c'est vraiment magnifique. Eh bien super, on va l'écouter tout de suite et le temps de se renseigner sur la question de la vache qui rit. King of the world, us above everything. They get confused between doggy dogs and wolves. They do trap what they need for one day. They protect themselves from everything, even love. King of the world, fight each other. There's only room for one of them, not for two. And I'm there, we don't do the world. Elle parle à peine et moi je dis rien. On a une relation comme ça, Fanny Ardant. Et moi, je passe la soirée avec Sylvain pendant qu'elle mate le papier peint. On est restés indépendants, moi et Fanny Ardant. Elle est posée sur l'étagère entre un bouquin d'Eric Holder, un chandelier blanc Ikea et une carte postale de Maria. Elle est toujours toute noire et blanche, elle ne dit plus vivement dimanche depuis que je la traîne chez mes parents. Tous les week-ends, Fanny Ardant. Je lui parle pas des filles de Jussieu, elle parle pas trop de Depardieu. Oui, on évite ces sujets-là, Fanny Ardant. Et moi, il y a un truc dans son regard qui me reproche de rentrer trop tard. Elle voudrait que je sois là tout le temps. Évidemment, Fanny Ardant, elle est posée sur l'étagère entre un bouquin d'Eric Holder, un chandelier blanc Ikea et une carte postale de Maria. Elle est toujours toute noire et blanche, elle ne dit plus vivement dimanche depuis que je la traîne chez mes parents. Tous les week-ends, Fanny Ardant. Entre un bouquin d'Eric Holder, un chandelier blanc Ikea et une carte postale de Maria. Elle est toujours toute noire et blanche, elle ne dit plus vivement dimanche depuis que je la traîne chez mes parents. Tous les week-ends, Fanny Ardant. On écoute du chant grégorien, elle parle à peine et moi je dis rien. On a une relation comme ça, Fanny Ardant et moi. Fanny Ardant et moi. Fanny Ardant et moi. Fanny Ardant et moi. Et nous sommes toujours dans le point Roux du Rock. Je suis avec Madame Louison, je suis avec Madame Bonsoir. Chloé. Madame Bonsoir. Louison, on ne vous a pas dit bonjour. Comment allez-vous ? Eh bien, ça va et vous ? Ça va très bien. Alors, je vais vous laisser parler plus dans le micro. Dans la bonnette ? Voilà, c'est voilà. Parfait comme là, je ça. Je parle bien dans c'est la bonnette. Parfait. Et nous sommes avec un invité qui est en ligne avec nous, parce qu'il n'est pas présent avec nous ce soir, mais il est... Il n'est pas présent physiquement, mais il est présent dans mentalement. Nos cœurs. Il est présent... sur les ondes du téléphone. Bonjour Douglas et Wilson. Bonsoir. Est-ce que vous nous entendez plutôt bien ou plutôt pas très bien ? Alors, ça grésille un peu, mais je vous entends quand même. D'accord. Parce que nous sommes dans une pièce où il faut savoir qu'il n'y a pas de tout, pas du tout de réseau. Ben, c'est pas grave. On va faire avec, comme on dit. D'accord. Bon, excusez-moi, mais est-ce que notre invité, il vient du Sud ? Parce que j'entends son accent chantant. Et moi, j'ai l'impression d'entendre les cigales dans le fond. Et je me doute que c'est la machine à pain. Il y a encore, ça va, j'ai pas trop poussé l'accent du Sud, je pourrais faire encore plus, je te l'ai dit. il nous le dit. Oula, attention. Il nous le dit, mais il nous le redit pas deux fois. Non, il nous le alors, dit une fois, mais pas deux. Oh, alors on a une information qui nous vient de l'extérieur. Apparemment, on ne nous entend pas à l'extérieur. Pourquoi du studio. Parce que Douglas, on va vous expliquer, nous sommes dans la cuisine à la Rouxière, vous pouvez visualiser ? Oui. Et à l'extérieur, sur la terrasse à la Rouxière, derrière les baies vitrées. Il y a Xavier Dupont de Ligonnès. il y a une tonnelle violette avec des fauteuils, des canapés, tout ça, tralali, tralala. Et il y a aussi Xavier Dupont de Ligonnès. Mais ça, c'est un détail. Attends, j'ai pas compris. Vous avez dit que la tonnelle était violette. Oui. Oh putain, la photo de goût. Ah. Ça alors, donne une atmosphère un petit peu hippie. Bien sûr. Alors, j'attends de voir si j'ai des retours. On a un technicien sur le coup. Il n'y a pas de, y a pas de retour. Ah, c'était pas branché. Pas branché. Est-ce que maintenant, est-ce que Cola, c'est notre technicien qui assure la qualité technique du direct. Il va nous dire s'il y a du retour en extérieur, à l'extérieur du studio. Bon, oui, il rallume l'enceinte. Il rallume l'enceinte, il s'en occupe. Bon, heureusement qu'il est là avec nous. En attendant, il y a des interférences. Ce n'est pas joli, joli, mais c'est comme ça. On n'y peut rien. Hop là, je vais passer le téléphone ici. C'est pire. Mais qu'est-ce que tu sais? Ah oui, non, tu j'entends les interférences dans mon oreille. Oui, voilà, on entend les interférences. Dans le retour de la radio. Et si vous les mettiez, le mettiez sur vos cuisses, madame? Mais non, mais vous n'allez pas entendre Douglas, ça. Si je le mets là, mais on entend Douglas dans nos oreilles. Oui, vous l'entendez, mais est-ce que lui, il vous entend? Mais bien sûr qu'il nous entend, on parle dans le micro. Mais non, mais il ne veut pas vous entendre du micro, il entend du téléphone. Oui, mais si c'est sur tes cuisses, ça va. Ça sent boucan, j'entends. Alors, il y a Cola qui nous fait signe que c'est bon, que c'est bueno, que c'est molto bene. Alors, Douglas, merci d'être avec nous ce soir dans le point roux dans du les rock. Ondes. Sur les ondes. Sur les ondes, les ondes qu'on entend plutôt bien. Alors, c'est qu'il y a des interférences. Il y a des interférences et ça nous embête un petit peu. On doit être honnête avec vous. Il y a des interférences et ça nous embête. J'entends bien. Oui. Alors, il y a Cola qui nous dit que c'est bon. Il nous entend. La troisième fois, il nous dit que c'est bon. On lui dit d'accord, c'est bon, on a compris, c'est bon, tout va bien. Dans les on va fumer une clope et voilà. Et des gars, alors, Douglas, tout à l'heure, vous m'avez envoyé une photo de vous. Vous étiez en train de boire une bière. Alors, expliquez-moi, pourquoi étiez-vous en train de boire une bière tout à l'heure alors qu'il était 19h? C'était bien, elle avait plusieurs raisons. Donc tout d'abord, la raison principale, c'était pour fêter l'anniversaire d'une amie, Ophélie Soulard, je ne sais pas si vous connaissez. Ah, on la connaît un petit peu. Après, la deuxième raison, c'était pour fêter le week-end. C'est bon pour le soin. Et la troisième et dernière raison, c'est pour fêter le fait que je n'ai pas le coronavirus parce que j'ai dû me faire tester cette semaine. Oh, ah, quelle bonne nouvelle. Racontez-nous, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, racontez-nous. Est-ce qu'on a mis un coton-tige dans votre nez? Bah oui, c'est comme ça qu'on fait le test. Mais c'est la pas question, dans le cul. Est-ce qu'on a mis un seul coton-tige ou deux coton-tiges? Parce que j'ai entendu dernièrement qu'il y avait un coton-tige dans chaque narine. Comme si narine pouvait être infectée, mais pas l'autre. Techniquement, alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait trop compliqué à expliquer ici en quelques minutes, mais en gros, c'est un coton-tige double effet avec de la ouate de coton de deux côtés. Ouais. Et normalement, on vous met un côté dans chaque narine, sauf que là, moi, j'ai eu le même côté dans les deux narines. Oh, c'est dégueulasse, ça. Enfin, c'est dégueulasse. Alors, mais vous avez une grosse narine? J'avais déjà fait le test une première fois en juin pour tester. C'était pour un copain, pas pour moi. D'accord. Mais en gros, ça s'était bien passé. Et là, cette fois, j'avais oublié d'enlever les crottes de nez et les poils de nez. Et du coup, c'était un peu plus difficile. Mais alors, moi, je voudrais savoir pourquoi du est-ce coup, qu'il a passé ce test de coronavirus, le petit coquin. Oui, racontez-nous, monsieur Douglas. Racontez-nous aux auditeurs. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous passiez ce test? Vous aviez des symptômes? Comment ça s'est-il passé? Pas des symptômes, des symptômes. Un collègue qui a chopé la ch'touille la semaine dernière, et vous savez, quand on est dans une petite boîte, s'il y a un collègue qui chope la ch'touille, il faut tout le monde qui se fasse tester. Bien sûr. Que oui. Par mesure de précaution. On comprend. Bien sûr. Exactement. Ah là là, c'est comme ça dans le film. Quand un collègue chope la ch'touille, il faut que tout le monde se fasse tester. Hein, parce qu'on ne sait jamais qui peut avoir la ch'touille. Mais oui, con. Enculé. Alors attention. Bah, en fait, de ça, vous n'avez pas la ch'touille. Eh bien oui, fait-on ça. Santé. Santé à tous. Voilà. À la non-ch'touille. Maintenant, je peux vous le dire, un homme libre, je suis ch'touille free, comme on dit dans le film. Alors on dit la ch'touille... En parlant du coronavirus, c'est comme ça qu'on dit à Aix-en-Provence, apparemment. Non, c'est comme ça que moi je le dis, mais c'est parce que c'est plus rigolo. Ah. Oh, et j'avais envie de faire ça. J'avais envie de faire ça, je ne l'ai pas fait. Excusez-moi. Alors, à tous nos auditeuristes, excusez-moi. Douglas, du coup, tout à l'heure, vous étiez en train de boire une bière parce que c'était l'anniversaire de votre ami Ophélie Soulard et parce que vous fêtiez le fait de ne pas avoir la ch'touille. Vous avez bu combien de bières? C'est la question que je vous pose maintenant. Et soyez honnête, s'il vous plaît. Oui. Les Françaises veulent savoir. Combien de bières avez-vous bu? Alors, le nombre de bières est de deux. Oh, oh bah ça va. Est-ce que c'était des demi ou est-ce que c'était des pintes? Oui, mais je sais pas si c'était des bières de 75 centilitres. Ah. Il nous a bien eu. La quantité est importante. La quantité est importante, il faut toujours demander. Et c'était quel type de bière? Alors, je peux même vous dire dans l'ordre. D'abord, on est parti sur une 3 mangues. Comme mon ami Brandon et mon ami parce Julien. Parce que ça, c'est très intéressant. C'est vraiment Julien, des bières de 75 centilitres. Julien, c'est nos amis du Nord. C'est la 333 canne bière du blanc. Et l'autre, c'était la Goudal. Ah, très bien. Très bien. Okay. Très bon choix. On parle très de choses qu'on connaît maintenant. C'est vrai. Écoutez, moi, je m'attendais à un mensonge par rapport aux 75 centilitres. Ça n'en était pas un. Écoutez, je suis ravie. Voilà. Je n'entends pas bien. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Non. Je ne parle pas plus fort. Je m'appelle Louise Interol et comme d'habitude, je mange mes mots. Ok? C'était juste donc, qu'elle confirmait que c'était très bien que ça soit des 75 centilitres. Et parce que... Des 75 centilitres. Non, mais je me suis retenu parce que demain, en fait, j'ai l'espoir de me réveiller à une heure plutôt... l'inverse de tardif, c'est tautif, du coup, à une heure tautive, pour éventuellement faire un petit footing, aller au marché et éventuellement acheter deux, trois trucs. Et aller au marché. Alors, et qu'est-ce qu'il va acheter au marché? C'est ça, c'est quoi au programme au marché? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui vous donne envie? Parce que moi, je veux bien aller au marché, mais je ne sais pas quoi acheter quand je vais au marché. Alors, au marché, je ne sais pas trop, parce que c'est le marché, il y a plein de trucs. C'est bien. De chanter la chanson. Je ne vais pas acheter des santons non plus, je ne pue pas la merde. On va sentir la lavande dans la rue. Ah oui, bien sûr. Mais bien sûr, parce qu'on est à Aix-en-Provence, et forcément, ça sent la lavande. Mais oui. Ça, je ne suis jamais allé là-bas, mais ça, c'est connu, ça. Ça, c'est connu. Par contre, j'aimerais bien racheter de l'anti-moustique quand même, parce qu'ici, ils attaquent sévèrement. Alors écoutez, moi j'ai un petit truc, je vous le donne, hein, c'est comme ça, c'est cadeau, c'est un petit tips contre les moustiques, c'est de l'huile essentielle de géranium. C'est hyper efficace, sinon vous mettez des géraniums à votre fenêtre, et je vous le dis, vous aurez très peu de moustiques. Ici, ça sera que à la lavande, parce qu'ils font que à la lavande ici, c'est un peu le problème. Ils font que à la lavande, vous pouvez trouver de l'huile essentielle de géranium en pharmacie, ça se trouve facilement, vous pouvez trouver ça sur les internets également, très facilement. Bah, au club, vous êtes un peu dur. Non mais je vous le redis pas, hein. Voilà, c'est un conseil, c'est comme ça. Moi je prends tous les conseils, parce que c'est vrai qu'ici on a que la lavande, et du coup dès qu'on veut trouver une autre plante, c'est la croix à la bannière, comme on dit. ça vous ne me faites pas dire. Vous êtes toujours sur Roux du Rock FM. Si vous avez des conseils concernant les moustiques, n'hésitez pas à nous contacter. Oui, n'hésitez pas. Nous sommes sur le Discord de Radio Boncon. Radio Boncon qui est notre partenaire et qui nous prête du matériel pour ce soir. C'est vraiment sympa, très gentil. Fait, on les remercie d'ailleurs. Est-ce que vous connaissez un petit peu Radio Boncon? Très peu. Et vous, Douglas, qui êtes en ligne avec nous, est-ce que vous connaissez Radio Boncon? Bah, connaître, c'est un bien grand mot. J'en ai déjà entendu parler. C'est vrai que dans le sud, il y avait une énergumène qui apparemment participait activement. Il s'appelait Douglas, mais rien à voir avec moi. Et il est très connu dans le sud. Eh bien, en tout cas, c'est sympathique. Alors, Douglas, attendez, je vais vous expliquer ce qui vient de se passer, parce qu'il vient de se passer quelque chose que vous ne pouvez pas voir vu que vous êtes en ligne au téléphone avec nous et que vous n'avez pas des yeux sur ce qui se passe en ce moment. Alors, il y a Quentin Boiteau qui est avec nous et qui porte un... Je vais vous le décrire totalement et je le décris à nos auditeurs en même temps. Quentin Boiteau qui porte... un tablier vache-qui-ri, tout simplement, il parlait de vache-qui-ri tout à l'heure. Soyons honnêtes avec les mots. Soyons honnêtes avec les mots. Il a ramené sa machine à barbe à papa qu'il a eu pour son anniversaire. Il en a une. Il en a une, bien sûr. On lui a offert pour son anniversaire. Il était un beau cadeau. Il était ravi. Il a ramené ce soir et il a fait une barbe à papa qu'il m'a offerte. La première barbe à papa, c'était mon cadeau. Il m'a dit, je t'offre une barbe à papa ce soir. Tu auras ce cadeau. Alors, c'est très étonnant parce que votre papa, Alain Soulard, il n'a pas du tout une barbe comme ça. C'est vrai, vous avez raison. Douglas, on vous enverra une photo, bien évidemment, de la barbe à papa que vous ne pouvez pas voir. Est-ce que Chloé, peut-être, vous pouvez prendre une photo avant que... Pour l'envoyer à Douglas. Oui, tout à fait. Et l'envoyer à nos auditeurs. Regardez, je vais le faire. Louison va le faire. Alors avant qu'on soit interrompu par cette barbe à papa qui est magnifique, on parlait de Radio Boncon. Vous disiez que vous connaissiez quelqu'un, enfin vous connaissiez, il y a quelqu'un qui est, alors je vais sourire pour la photo, il y a quelqu'un qui est d'Aix-en-Provence, qui n'est pas Christophe Maé, qui n'est pas vous, et qui est quelqu'un d'autre qui s'appelle aussi Douglas, qui a participé à Radio Boncon. De quelle manière? Est-ce que vous pouvez répéter parce que j'ai pas très bien entendu. Écoutez, c'était un peu compliqué comme question. Mais en gros, on parlait de Radio Boncon. Alors attendez, on va commencer à croquer dans la barbe à papa. Si croquer est un okay. mot qui puisse. Non, parce que là, j'ai compris. On va faire. C'est vraiment alors, que du sucre. Hein. Douglas, si vous allez sur le Discord, vous allez découvrir une belle photo de Quentin avec son beau tablier et sa belle machine à barbe à papa et sa belle bière à la main. Si vous voulez en savoir un peu plus sur la soirée. Il est beau comme un camion. Vous allez voir ça, c'est sympathique. Bon, okay. Douglas, est-ce qu'il y aurait une musique que vous aimeriez diffuser ce soir? Des musiques, il y en a plusieurs. Alors, dites-moi, une favorite. Ouh là là là là, la barbe à papa. Il faut que je réfléchisse pour avoir une musique qui ne dénote pas avec l'ambiance de votre soirée. Moi, je voulais savoir une question qui est vraiment qu'on ne vous a pas posée encore et qui est pourtant la plus importante. Comment allez-vous? Mais oui, bien sûr. Comment allez-vous, Douglas? Et pas comment allez-vous. Comment allez-vous vraiment, du plus profond de votre être, comment vous allez? Dites-nous tout, on est là, on est intime. Allez, laissez-le parler, mesdames, parce que elle pose une question, mais elle ne sait pas parler l'invité, allez-y. Du coup, j'ai passé une semaine un peu, sur un faux rythme, dans le sport. Et j'étais en télétravail toute la semaine, le temps d'avoir le résultat de mon test. Et à vrai dire, ce week-end, j'aurais dû être en Isère, à Grenoble, pour aller voir ma sœur, mais ça s'est pas fait parce que du coup, j'ai préféré rester chez moi pour la prévention. Du coup, je suis sur un faux rythme, comme on dit. D'accord. Vous êtes bien sage, en tout cas. Oui. D'avoir C'est un beau geste. De protéger votre sœur Elsa Jeanne, qu'on embrasse d'ailleurs, si elle nous écoute. La barbe à papa. C'est pas l'envie de me retourner la tête, comme on dirait, hein, qui me manque, mais c'est plutôt l'occasion. Oui, tout à fait. Tout à fait. On comprend. Est-ce qu'on peut avoir un peu des nouvelles de Elsa Jeanne? Dernière nouvelle, du coup, demain, elle doit aider une amie d'Alizé pour faire un déménagement. Du coup, moi, j'ai décalé ma venue en Isère pour la semaine prochaine et je risque peut-être de faire une rando sur 2 jours avec elle. Mais c'est pas encore sûr. Ok, c'est sympathique, c'est ça. Sympathique. Une randonnée. Mais oui, c'est très sympathique. Et donc, la semaine prochaine, vous êtes à Grenoble. C'est la rentrée des instituteurs. C'est la semaine prochaine. Du coup, la semaine là est un peu chargée. Elle est chargée. Ben oui, elle est charrette, comme on dit. Charrette. Rome charrette. Elle est chargée, Estelle. Estelle chargée. Estelle chargée. Nous écoute, qu'on embrasse bien sûr. Oui, on l'embrasse. Et son frère également, Antoine. Alors, Douglas, on a. Vous savez, on a 19 auditeurs là sur Rooks du Rock FM. À votre avis. 19 000, vous voulez dire. On a 19 auditeurs sur Rooks du Rock FM. À votre avis, parmi ces 19 auditeurs, combien y a-t-il de bots? Alors, franchement, on est à la fin du mois d'août, c'est-à-dire que la rentrée des bottes, c'était la semaine dernière. Moi, j'ai eu un message d'un collègue qui fait aussi de la web radio. Du coup, je dirais qu'il serait une bonne douzaine, comme on dit. Une bonne douzaine, d'accord. Alors, attendez, je vais regarder. Je ne sais plus où est-ce que on voit les statistiques. C'est ça, statistiques directes. Alors, je vais vous dire ça. Douglas et Wilson, restez avec nous en tout cas. Je suis toujours là. Hop là, c'est quand même... Vous m'avez dit combien? 12? Une douzaine. Eh bien, ils sont 13, c'est perdu. Eh bien, ils sont... ils sont bien plus, attention. Mais non, là, je vous dis, sachant que... Ils sont 19. Il y a quelqu'un qui nous écoute à Lyon, mais je ne sais pas qui c'est. C'est peut-être Mona. C'est peut-être quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre à qui on passe le bonjour d'ailleurs. Qui nous a donné une super recette pour le gratin. C'est peut-être cette personne. Alors, bon, peu importe qui est à Lyon, on lui fait un bise. Bon, bref, ça veut dire qu'on a 17 personnes qui nous écoutent, qui sont des bots, a priori. A priori. Donc, Douglas, vous étiez un peu loin du compte. Aïe, aïe, aïe. Terrible idée. Mais c'est parce que j'ai pas pris l'inflation du nombre de bots aussi. voilà, quoi. Ça change. C'est comme le Covid. D'une semaine à l'autre, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. En tout cas, je voudrais dire à la personne qui nous écoute de Lyon, si vous n'êtes pas sur le Discord, peut-être que c'est Mona, Je pense que c'est Madame Mona. C'est Madame Mona. Madame Mona. Mené l'enquête dans les 5 secondes précédentes. C'est Mona. Et bonjour Mona. Mais bonjour à Mona avec Emma et Manon. Bien sûr. Elle n'est pas seule. Emma, Mona, Manon. C'est quand même des prénoms qui sont faits pour être ensemble. Emma, Mona, Manon. On a la confirmation que c'est Madame Mona qui nous écoute sur Messenger. Sur Messenger, ça c'est super. Attendez, je vais voir ça. On nous fait des gros bécos. On lui fait des super. Bécos. Ah, elle n'a pas le Discord, c'est pour ça. Ben, en tout cas, Mona, si vous voulez nous poser des questions sur la conversation des bons cons, vous pouvez avec grand plaisir. Bien sûr. On va faire une petite pause musicale si ça ne vous dérange pas le temps que j'aille faire un petit pipi. Qu'est-ce qu'on va mettre comme musique? Ah, j'avais envie de vous surprendre, mais je ne sais plus comment s'appelle cette musique. attendez, laissez-moi le temps de trouver. Ça commence par écrit, ça finit par moi. En attendant, Douglas, racontez-nous, qu'allez-vous faire pour finir cette super soirée? Qu'est-ce que je vais faire, pourquoi? Est-ce que vous allez vous faire des cocktails chez vous, pour terminer la soirée? Ah non, vu que j'étais fini à mes 2,75, enfin mon litre 50 de bière... J'ai sorti le Rinquinquin, c'est de l'alcool de Fort-Calquier qui est dans les Hautes-Alpes. C'est le Rinquinquin, quoi. C'est de l'alcool, mais un peu non conventionnel, comme on dit. C'est le Rinquinquin. Le Rinquinquin, est-ce que vous pouvez nous parler du Rinquinquin? Parce que vraiment, moi là, je ne sais pas de quoi vous parlez. Alors, le Rinquinquin. Et vous parlez à une alcoolique notoire. C'est de l'alcool de pêche, de Fort-Calquier. Oh, c'est une liqueur finalement. D'accord. Non, même pas, c'est pas une liqueur, parce que c'est moins fort, ça titre à 15%. Ah, ça va, alors. Si vous voulez, c'est un peu comme la trousse pinette qu'on peut faire. Ah, voilà. Parlons des choses qu'on connaît. D'accord, enfin. Mais c'est moins traître que la trousse pinette. D'ailleurs, en parlant de trousse pinette, j'ai passé une semaine de vacances en Aragon, en Espagne. Et du coup, là-bas, ils ont le zoco. Et le zoco, c'est comme la trouspinette, mais sauf que ça s'appelle pas la trouspinette, mais c'est pareil. mais c'est parfait, ça. C'est très bien. Eh bien, Doug, on vous remercie pour votre accent, pour vos informations, pour tout, pour votre présence. Et on a hâte de vous voir en vrai Parce que de toute façon, vous arrivez de même pour nous faire la surprise. Oui, vous nous faites une surprise. Vous allez arriver dans la cuisine en faisant une surprise. Voilà. Ça m'étonnerait que j'arrive demain, peut-être après-demain, on ne sait pas. Bah, on verra bien. On attend les surprises. Voilà. Douglas, on vous remercie. On va écouter une petite chanson d'un chanteur qui n'est pas très connu, qui s'appelle Marc Lavoine. Il chante une chanson d'amour qui s'appelle « Toi, mon amour ». C'est super, vous allez adorer, il a une voix sensuelle, ce garçon. Vous allez tomber, les filles, vous allez tomber. C'est un petit nouveau. Et vous aussi, Douglas, vous allez tomber, parce que Marc Lavoine, je vais vous dire, c'est un gars, il va falloir le suivre. Hein. Il faut le suivre, il va monter très vite. Il va monter très vite. Merci beaucoup, Douglas. Eh ben, passez une bonne soirée, et puis bon anniversaire, madame. Oh, merci beaucoup, gros bisous. Les bisous sont de mise. Tous les jours, moi qui ne crois plus. seulement de toi. Je vole en éclat. Ah, ah, ah. Avant toi, j'ignorais tout ça. Et tu n'en savais pas plus que moi. Toi, mon amour, toi qui as le cœur en lui. Rock FM, ça fait du bien, par où ça passe. Rock, rock, rock, par où ça passe. De Louison. On est toujours ensemble dans le point Rooks du rock. Alors, je suis maintenant avec des nouvelles personnes. Il y a monsieur Léo Boiteau. Bonjour, monsieur Léo Boiteau. Oui, bonjour, monsieur. Attendez, oui, bonjour. Pas, c'est bon, est-ce qu'on vous entend? Bonsoir. On vous entend très bien. Ah, tu veux qu'on inverse? Ah merde, non, ah, fallait pas le dire. Ah mince, j'ai raté. Mince. Ben, il y a aussi monsieur Colacharrier. Bonjour. Bonsoir, c'est Colacharrier. Bonjour Léo. Oui, bonjour. Bon, alors Léo c'est ça va? Crois. Ça va, ça va, ça va. Cola, ça va? Ça va. Super. Alors, bon, est-ce qu'on pousserait pas un petit coup de gueule là? Ouais, ouais. Il y a un truc qui s'est passé qui m'a énervé là avec un mec qui est totalement. Qui est totalement dans mon champ de vision, qui a coupé la radio. Oui. Il en avait marre de nous entendre, je crois. Certains diraient pute du bif. Salope. Ouais. Et ces personnes s'appelleraient peut-être Al Capote. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Bon alors, pute. Est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est pas normal ce qui vient de se passer? Je trouve que c'est absolument pas normal. Moi, en tant que Léo Boiteau, je ne suis pas content. Et moi, Colacharrier, je trouve que c'était vraiment dégueulasse. C'est un peu dégueulasse. Hein. Est-ce qu'on peut demander à notre investigateur, investigateuse Louison Terrol de mener son enquête Est-ce qu'en fait la radio elle peut être remise dehors parce que Julien il a pris l'enceinte et du coup on peut plus checker? Non mais c'est pas grave, mais c'était juste pour savoir si ça fonctionnait, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai une question au fil soir. Oui, allez-y, monsieur Léo Boiteau. Est-ce que je peux emprunter vos petite bière qui se trouve à ma gauche et étant donné que je n'ai pas le Covid et que vous non plus, on peut boire dans le même verre car je refuse d'aller me servir un verre dehors tant qu'il n'y a pas la radio Mon Condor. Alors écoutez Léo Boiteau, je tiendrai à dire que cette conversation est totalement enregistrée, donc si jamais vous buvez dans mon verre, enfin non, plutôt ouais. Si jamais je bois dans le verre dans lequel vous avez bu, parce que je tiens à dire que je n'ai pas encore bu dans ce verre. Écoutez, madame Ophélie Soulard. Excusez-moi, moi je tiens juste à dire, moi Colacharrier, bon auditeur de la radio des Boncons, je vois que mon compère Léo Boiteau, quand il parle, il tourne la tête comme ça, oui, et du coup on l'entend moins. C'est vrai, et du coup ça marche pas. Je sais que mademoiselle Chloé Soulard s'est fait engueuler tout l'après-midi, donc s'il vous plaît, faites un effort. Je ne l'ai pas engueulé, mais c'est juste quelque chose qui est plus sympathique pour l'auditeur. L'auditeur qui est 16 auditeurs. On salue les 12 Irlandais qui nous écoutent. Alors attendez, peut-être que depuis tout à l'heure ça a changé. Non, c'est toujours à peu près. Ah, je vais me mettre le Discord, comme ça je pourrai voir ce que les gens disent. Envoyez-moi. Ah bah non, j'ai pas l'internet. Alors sur le Discord, je tiens à vous dire qu'il n'y a pas grand chose. Moi je tiens à dire que cet après-midi j'ai mis un message dans l'onglet gros stuff et que personne n'y a répondu. Ah non, je n'ai pas vu. Oh, à quelle heure le point pété? Eh bah écoutez, le point pété ce sera un peu plus tard, il n'est que minuit 18. On va faire un point pété. Alors Julien est en train de traficoter quelque chose. Je ne sais pas exactement ce qu'il est en train de faire. Julien va se prendre une grosse branlée. Bon, on va arrêter de parler de Julien. On va arrêter de parler de tout ça. Parlons. Il y en a marre. Parlons sérieusement, messieurs. Parlons sérieusement. Alors, je me tourne vers Cola. Cola, dites-moi, qu'avez-vous pensé du gratin ? Eh bien, écoutez, un gratin qui m'a surpris par son goût, notamment par sa crème fraîche épaisse qui est cuite. Dégage un effet plutôt réconfortant dans ma bouche. Oh. Et qui m'a rappelé des soirées d'antan au coin du feu où je me plaisais. Et monsieur Léo Boiteau, qu'est-ce qu'il en pense de ce gratin ? C'était merveilleux, j'ai beaucoup aimé la crème fraîche. Ouais, c'est la crème fraîche qui m'a rendu assez fou. Et je pense que je me suis tout simplement trompé entre le chèvre et la crème fraîche. Ah. Moi, je tiens à rajouter un petit détail pour nos auditeurs qui nous écoutent. On nous a ouvert une bouteille de Saint-Émilion qui était de 2006. Oui. Cette bouteille était tellement vieille que la poussière la recouvrait et que l'étiquette était presque illisible. Sachez qu'un Saint-Émilion de 2006 ouvert en 2020 sent bon, mais n'a pas de goût. C'est vrai. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit Cola Charrier. J'ai trouvé que le Saint-Émilion était bon, qu'il avait... Du coup, certes, un petit peu fan, mais c'est là peut-être lié à sa vieillesse, monsieur. Alors, attendez, messieurs, j'ai quelque chose à vous signaler. Saviez-vous qu'il y avait du gâteau, du dessert de prévu ? Mais pas du tout, je ne suis pas... Quel est ce gâteau ? Alors, j'ai choisi de la... Alors, je voulais pour mon anniversaire, parce que c'est mon gâteau de choix, hein, c'est la tarte aux fraises, la tarte aux framboises. Il n'y avait pas... Bien sûr, dans le magasin, il n'y avait que du pâté aux prunes. J'entends. Car c'est la saison du pâté aux prunes. Moi, je ne veux pas manger de pâté aux prunes. Bien sûr. Donc, j'ai choisi de la tarte aux pommes. De la tarte aux pommes, qui est un gâteau qui convient à tous, je pense. La pomme, c'est quelque chose d'universel. Bien sûr. Est-ce que vous aimez la tarte aux pommes ? J'adore. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, la tarte aux pommes composée de sa compote, de sa cannelle et de sa pomme me va toujours à ravir. J'aimerais juste dire un petit mot parce que là ça commence à m'exciter un peu. J'ai Léo Boiteau à côté de moi qui répète mes fins de phrase et j'ai pas besoin d'un perroquet. Okay. Et s'il continue, il va s'en prendre une. D'accord. Mais messieurs, s'il vous plaît, calmez-vous. Hein. Pas besoin de montrer pas votre. Pas d'animosité entre nous. Pas besoin de montrer votre. De comparer vos sexes devant tout le monde, ce n'est pas très sympathique. Ça va aller. Arrêtez, messieurs, s'il vous plaît, calmez-vous. Alors, messieurs, non, est-ce qu'on pourrait... que Léo pensez-vous Boiteau, la plus grosse. S'il vous plaît. Si vous continuez, je vais mettre une pause musicale et puis finir non, l'interview. Non, on veut parler aux gens. Madame la directrice, achetez-moi un album. Moi, j'avais pas mal de choses à vous demander. Déjà, je voulais demander que pensez-vous de la décoration, de ce que nous avons installé à l'extérieur de la maison à l'étarderie. Dites-nous. Moi, je trouve ce qu'il y a le plus beau, c'est cette fameuse guirlande en brochet de coupelles que je trouve fabuleuse. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire, Ophélie Solard ? Tout à fait. Oui ? Qu'est-ce que je suis en train de dire, Ophélie Solard ? Que la guirlande est fabuleuse. Ok. Quelle guirlande je parle ? Il y a deux guirlandes à l'extérieur et ces deux guirlandes sont identiques. Ah, il y a donc deux guirlandes ? Ah oui, il y a deux guirlandes. Ah, moi, j'avais pas compris que c'était deux guirlandes. Je crois que c'était une seule parce que ça fait beaucoup, beaucoup de longueur. Beaucoup de longueur. Ah, monsieur Cola Charrier. Pour ma part, moi j'ai apprécié arriver dans une soirée où le barnum était ouvert et face à la pluie, il y a une assemblée de bancons qui se sont dit montons les murs, qui forment notre union de bancons, les murs. C'était un moment assez particulier et sympathique. C'était beau sous la pluie de monter ces murs. Et je veux dire que ces murs étaient fruités, d'où leur couleur. Violette. Exactement. Et qu'on pourrait en faire peut-être de la confiture. Eh bien, garçon, merci pour ce que vous dites. Hein, parce ça que fait plaisir, ça fait plaisir. Toujours heureux d'être là. Alors, messieurs, je vais vous dire, nous avons perdu un auditeur. Est-ce que c'est parce que vous avez parlé de la tonnelle ? La tonnelle aux violettes Je sais pas quoi trop dire là-dessus. Qui pourrait ne pas aimer la tonnelle ? Je réfléchis, je n'ai pas d'idée. Alors par contre, je suis désolé, mais il faut le dire, t'as eu un petit rond en fond de gorge et ça s'est entendu. Alors, c'était Léo ? Je pensais que c'était Cola. Ah non, c'était Léo. Non, Cola ne s'est pas roté, mais Léo s'est roté. Ouais, il y a eu le petit en fond de gorge que tout le monde a entendu là. Vous savez, c'est lié à quoi ? Dites-nous. À la crème fraîche. À la bière. Non, pas à la crème fraîche. Au fromage. Je crois que c'est la bière. Tu as raison, Félix. Ah, c'est la bière, j'en ai sûr. Est-ce qu'on pourrait parler un petit peu du fromage? Pourquoi? Ah oui. Attends, on est en train de parler, on parle de trucs. Excusez-moi. Et il faut revenir sur le fromage. Il y a eu deux plateaux de fromage. Un plateau plutôt industriel, okay, avec ses fromages industriels. Oui. Et un plateau de fromage de chèvre, avec au moins 6 chèvres frais, avec un enrobage différent à chaque fois. Échalotes, oignons, paprika, fines herbes, à couleur de l'été, ainsi que 2 tomes de chèvre. Toutes étaient succulentes. Oh, dis donc, vous savez décrire le plateau de fromage. Écoutez-moi, le fromage, c'est comme une femme. C'est beau. Ça se respecte. C'est frais. Et ça me fait du bien. Oh, waouh. Alors, attendez, je vais voir si à l'extérieur du studio, il y a des réactions par rapport à cette phrase. Je vais écouter un petit peu pour voir. Depuis tout à l'heure, ça parle impact carbone à l'extérieur. Ça parle d'impact de carbone à l'extérieur. Bien sûr. C'est incroyable, alors que nous parlons de fromage à l'intérieur. Alors que le fromage a son impact carbone de lui-même. Oui, un impact carbone de lui-même qu'il ne faut pas prendre seulement l'impact carbone, mais il faut aussi prendre l'ensemble des impacts. Il y a 14 impacts qui causent l'ennui sur Terre et il faudrait aussi les prendre en compte. Il n'y a pas que le CO2. Il y a l'ozone. Merci, Léo Boiteau. On sent que votre PPJX marche bien maintenant. Ta gueule. Oh, s'il vous plaît, ouais, on ne parle pas. Dans mon studio, on ne parle pas. Vous êtes insupportable, vous deux là. Hein, bon, un messieurs. Peu fou. Messieurs, oui. À quelle heure? La Guébert. À quelle heure le gâteau? À quelle heure le gâteau? À quelle heure les bougies seront demain sur le gâteau. J'allais dire à quelle heure les bougies, mais non. Bon, je sais pas. Demain, pense qu'il y aura des bougies. Vous pensez qu'il y aura des bougies? Oh, je pense qu'il y aura des bougies. Hein. Ah oui, mais peut-être pas de ce soir à suivre quand même. Bah attendez, moi j'ai dit. Gourmande. Madame. José m'a dit les bougies sur le gâteau, c'est pas du tout Covid. Parce que tu souffles sur le gâteau, tu fous des postillons partout. Pas bête la José, hein. Peut-être tu pourrais faire un mouvement de la main. De haut en bas. Ou alors tu mets la bougie sur une patate, tu souffles la patate, tu manges le gâteau à côté. Et vous, madame Ophélie Soulard, que préférez-vous? Est-ce que tu veux souffler des bougies? Alors moi, je ne souffle pas souvent de bougies. Ça te fait combien de bougies cette année, toi? Mais 26 déjà. Bougies, il faut un gros souffle. Hein. Je suis un peu asthmatique. Montrez-nous comment vous soufflerez les bougies. Je vous montre. Oui. Alors, ce n'est pas très radiophonique. Mais si, fais-le radiophoniquement. Souffle sur le micro. Alors, je vais prendre mon air, vous allez entendre. Peut-être que vous pouvez décrire pendant que je le fais, les auditeurs ne soient pas délaissés. Le mieux, c'est que l'ensemble de ton souffle décrive à lui-même ce que tu es en train de faire. On va essayer, mais j'ai un peu peur de délaisser les auditeurs, vous comprenez? Je comprends tout à fait, mais... C'est parti, alors là, je vais décrire un petit peu. Non, on va le faire, on va le faire. D'accord, allez-y. Décrivons l'action et moi j'agis en fonction. Elle me regarde, elle a des yeux noisettes. Le souffle va commencer à être pris. Ne parlez pas en même temps. Le souffle va commencer à être pris. Elle prend son souffle. Elle inspire, vous l'entendez. Et elle va souffler. Non, elle rigole. Elle inspire. Attendez, j'en prends. Elle a des yeux noisettes. Elle est en train de faire chavirer la colline. Rouge à lèvres brille. Elle est charmante. Pour l'instant, elle ne fait rien. Elle est belle. On la voit, elle nous regarde souffler, gêner. Respirer. Mais je sais pas, c'est vous qui devez me dire quand le gâteau arrive. Le gâteau est là. Elle inspire. Le gâteau. Elle inspire. Et vous allez la voir souffler sur les bougies. Tout doucement. Ah, les poils du micro se dressent à l'approche de son souffle. Que les poils du micro qui se dressent. C'était un souffle incroyable, magnifique. Est-ce qu'il reste une bougie d'allumée? Non, tout est il reste votre une petite bougie d'allumée. Nous ne sommes pas d'accord. Ah mince. Du coup, il ne reste pas de bougie allumée. Votre vœu est exaucé. J'espère que vous avez fait un beau vœu. Je n'ai pas fait de vœu. Je n'ai pas pensé à faire un vœu. C'était un gâteau imaginaire. Putain. C'était la répétition. Vous saurez que pour le vrai gâteau, il faudra faire un vœu. Mais y aura-t-il un gâteau avec une bougie? Oui. Eh bien. On verra. En tout cas, moi, ce que je vais faire, c'est que je pense qu'il faut. Il est temps. Il est temps de manger le dessert. Et on a beaucoup parlé. Peut-être mettre un peu de musique pour nos. On peut mettre un peu de musique et on décidera ensuite de ce qu'on fait. En général, quand je mets une musique, mes invités se cassent et il y a de nouveaux invités qui arrivent. Ça, c'est un peu incroyable. Peut-être je dis ça parce que j'ai envie d'aller fumer une clope, moi, Colacharié. Ouais. Moi, en tant que Léo Bateau, je fume un peu de clope et j'aimerais peut-être fumer une petite clope. Mais enfin, je veux bien revenir, mais apparemment, bah écoutez, moi, c'est vous voulez pas, Madame la directrice. Non, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais voir si après à mi-chemin de la musique, s'il y a encore quelqu'un dans mon studio ou si je suis toute seule. Parce que si je suis toute seule, j'annonce la fin de l'émission. Si vous êtes seule, non, si vous êtes seule, vous dites nos prénoms. Non, nous, on est dehors, on arrive. On revient. Sachant qu'il y a un petit décalage de 5 secondes, oui, peut-être. Oui, mais ça, si c'est 5 secondes, on peut, les auditeurs seront patients. On va écouter une chanson qui s'appelle Uptown Girl de Billy Joel. Ah, je vois que vous connaissez, vous êtes des allez, on écoute parce que je ne veux plus vous entendre, vous. Ça fait du bien, par où ça passe. Par où ça passe. On est toujours ensemble, tous ensemble, dans à l'état de Ré, pour le point Roux du rock, et je suis maintenant avec... Hugo Soulard. Bonjour Hugo Soulard. Bonsoir. Comment allez-vous Hugo Soulard ? Fort bien, fort bien. On vous a allez fait bien ? De la barbe à papa avec Quentin Boiteau. Ça vous a plu cette activité ? Est-ce que c'était bien ? Est-ce que c'est comme une activité extra... Et, j'allais dire, c'est une activité extrascolaire ? Exactement, je lui ai dit, il est prêt pour avoir des enfants. Incroyable. On a eu un petit problème technique au niveau des pics. Parce que du coup, ils n'étaient pas assez poreux. Du coup, ils ne venaient pas récupérer assez d'accord. bien le fil de barbe à papa, donc on a eu un peu de mal à l'entourer, mais la première était très belle, comme vous pouvez le voir sur le Hugo, parle un petit peu plus près du micro, s'il vous plaît. Comment vous avez fait pour régler ce problème de pic? On a éteint la machine. Ah, vous avez abandonné, en fait. Vous n'avez pas réglé le problème. Tout à fait, on n'a pas réglé le problème. On a fait une bonne barbe à papa et après... Après, c'était trop compliqué. Alors, il y a Léo qui nous a rejoint, qui est revenu, en fait. En fait, je viens pour défendre mon collègue Colas Charrier, qui était avec moi tout à l'heure, qui est atteint d'une maladie, actuellement. Dites-nous. Qu'on appelle le hoquet. C'est-à-dire que j'ai commencé à lui parler de ses vacances, ça lui a donné le hoquet. Comme quoi, peut-être qu'il n'a pas passé de si bonnes vacances que ça, mais en tout cas, il s'excuse de ne pas pouvoir revenir. Il est vraiment à se retenir la respiration sans cesse. Mais il n'y a pas de problème, Colas Charrier, pas de problème. Alors, Hugo, vous êtes en train de boire quelque chose qui a une couleur verte. Je vous laisse donner une cigarette à Monsieur Quentin Boiteau, à aller fumer. Alors ça, c'est très, très, très radiophonique, messieurs. Hugo, je suis en train de vous poser une question quand même. Désolé. Alors, je qu'est-ce que vous êtes en train de boire? Un petit verre d'absinthe. Parlez en face du micro. Je me penchais pour récupérer mon verre. Donc, je bois un petit verre d'absinthe... bien vert. Faites maison. Elle est belle. Elle est belle, hein. Une belle couleur. Oui, très est-ce belle que le verre couleur. Est de tremper mes lèvres. Alors, allez-y, c'est pas très Covid, mais. Tout à fait. On s'est fait la bise, donc. Alors, oui, c'est un petit verre avec une absinthe verte. Émeraude. Très claire, très jolie. Très jolie, hein. Alors, dites-nous. Eh bien, écoutez, le sucre est présent, en tout cas. De toute façon, c'est le cas toujours avec l'absinthe. Alors, c'est très sucré. Je vais goûter également, si est-ce vous que c'est permettez. L'absinthe très jeune. Tu l'as fait avec tes grands-parents. Tout à fait, tout à fait. C'est une absinthe jeune. Alors, elle a la particularité d'être faite à base d'eau de vie de prune. D'accord. Ce qui lui donne un goût un peu plus prononcé. Le goût est très agréable en bouche, en tout cas. Rox du Rock FM, toujours au plus près des producteurs locaux. Bien les sûr. Petits artisans, on est avec Hugo Soulard, producteur d'absinthe dans le Loir-Auxance. Alors, et vous avez remarqué cette belle couleur? Oui. Elle provient d'une sélection des feuilles. Alors, tout une sélection fait. Des Alors, feuilles, comment on sélectionne les feuilles? Excusez-moi, il y a un insecte qui vient de se poser sur la table et qui se balade tout entre les micros. Et... Hop là, ce n'est pas notre invité. Allez-y, Hugo. La sélection des feuilles est très importante pour obtenir une belle couleur comme celle-ci. Tandis que si vous prenez des feuilles un peu abîmées ou jaunies, moins vertes, il faut un beau vert bien pétant, enfin bien foncé pour que ça donne ça. Si vous prenez des feuilles abîmées, l'absinthe va tirer vers le jaune jusqu'à atteindre une couleur moins jolie. Et si je peux me permettre de poser la question, ce sont des feuilles de quel arbre? De l'absinthe. Ah, de l'arbre d'absinthe. Arbre, c'est une feuille, enfin c'est une plante. Une plante. Une plante fougère. Très bien, une plante vivace. Voilà. Enfin, je vois que M. Thérault est sur le Discord, il saura me corriger. Si vous avez vos questions à poser à nos invités, d'ailleurs, n'hésitez pas. Hein. Vous pouvez les poser sur la conversation des bons cons. Vous pouvez également les poser sur le Discord. Nous y répondrons avec plaisir. Exactement, exactement. Alors, il y a Alain Soulard qui vient de nous rejoindre. On va le laisser s'installer tranquillement. Monsieur Soulard est ravi, je crois, d'être avec nous dans le point Roux du Rock. Alors, Monsieur Soulard, je vais vous donner le micro peut-être d'Hugo, si Hugo le permet. Si ça ne dérange pas Hugo, vous pourrez vous passer les micros, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Cette émission, c'est une émission conviviale. Alors, Alain Soulard, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Oh, bien. Un peu fatigué, c'est normal. Vous êtes fatigué? Ouais. Est-ce que vous avez bu beaucoup de vin? Il est plus de minuit, minuit 37, quand même. J'ai bu normalement. Oui. Bah, comme un Soulard. Comme un Soulard pendant un repas avec du fromage, du voilà. Vin. Voilà. T'es pas obligé de prendre l'accent comme mais ça. Mais non, mais l'accent, mais... il vient tout seul. Depuis tout à l'heure, on a l'accent, Alain. Alors. Bah oui, mais j'ai pas l'accent, alors. Alors, Alain, José est allé se coucher. Oui, elle est fatiguée, c'est normal. Fatiguée. C'était une longue journée. Oui, comme beaucoup de journées, oui. C'est une longue journée, oui. Les préparatifs étaient fatigants, il fallait faire pas mal de choses. Il faut dire que moi, personnellement, je ne suis pas assez organisé, et pas assez un petit peu feignant, quoi. Donc j'ai du mal à faire tout ce que j'ai à faire. C'est un peu con, mais tous les retraités sont comme ça, je crois. peut-être, je ne sais pas, est-ce que Léo a son avis là-dessus? Moi, je ne suis moi-même pas retraité. donc, mon avis personnel, est-ce qu'il a vraiment une importance? Mais... Peut-être, sur... Écoutez, moi, je pense que les retraités sont des personnes comme tout le monde. Bien sûr. Qui ont besoin d'être aimés comme tout le monde. Qui ont le droit d'être aimés. Qui ont le droit d'être aimés comme tout le monde. Le droit, le besoin. Oui, le besoin aussi. Oui. Et il faut les compter à part entière. Alors Alain, est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu cette journée? Comment ça s'est passé ce 28 août 2020? Qu'est-ce qui a été... il y a eu l'installation de tout le matériel de l'extérieur pour accueillir nos invités, nos auditeurs, bien évidemment. La cuisine, tout ça. Est-ce qu'il y a eu des problèmes dans cette journée? Est-ce qu'il y a eu des surprises? Dites-nous. Plus des surprises que des problèmes. Les surprises devenant peut-être des problèmes aussi, mais bon, pas insolvables. La pluie, par exemple. Par exemple. Le vent, la pluie, mais c'est pas très grave. Moi, ce que je retiens, c'est les gens qui sont là, en fait. Tous les partages qu'on peut avoir avec... Je vous assure, avec le petit, là. Le petit Léo Boiteau, on a parlé de la différence entre l'empathie et la sympathie. Ah oui, c'était très intéressant, très très intéressant. Même si on peut relativiser tout ça, parce que tout est relatif par rapport à les situations peuvent être un peu comment je dirais. Dites-nous, utilisez des mots simples. Ouais, c'est pas sur Roux du Rock FM. C'est pas très simple ce que je veux dire. Enfin bref. C'est un débat qui est assez compliqué. Ouais. Ouais, c'est un débat un peu compliqué, oui. Mais je veux dire, c'est intéressant de voir Léo qui a une grande sagesse. C'est vrai que Léo a une grande sagesse. Ouais. Dites-nous, Alain. Je me sens honoré, là. Non, mais j'aime bien discuter avec Léo, parce qu'il a en même temps une espèce de grande sagesse et une espèce de comment je dirais... D'ouverture d'esprit. Bien sûr, il a cette ouverture d'esprit, mais il a cette pureté de jeunesse. Oh. Est-ce que c'est vraiment un compliment? C'est un compliment, bien sûr. Une pureté de jeunesse. Si, c'est une pureté qui permet de voir les choses telles qu'elles sont réellement et qui apprennent à des gens qui, comme moi, sont plus vieux, mais qui ont été perturbés par toute la vie et le. Et tu te dis, tiens, ouais, ce qu'il dit, c'est vrai. C'est pur. Et bah écoute, si moi je peux en tout cas te renvoyer l'ascenseur, c'est toujours intéressant de parler avec des personnes un peu plus âgées comme toi, parce que on a peut-être cette pureté de la jeunesse, mais toi tu as des choses comme l'expérience qui font que c'est un ascenseur à double sens et qui s'équilibre pour donner, je trouve, toujours des débats très très intéressants. Ah ouais. Parce que moi, peut-être que j'ai pas cette expérience-là et que je suis bercé d'illusions, mais peut-être que pour quelqu'un comme toi, c'est pas tant des illusions, mais des souvenirs aussi d'avant. Je dirais que, à ton avantage, tu n'es pas bercé d'illusions, en fait. Bah, ça fait plaisir. Non. C'est quand je parle d'une certaine sagesse avec une certaine pureté d'esprit, c'est que tu t'as pas, je l'espère pour toi, eu à être berné justement par les événements de la vie. Bah j'espère. Que nous, peut-être, on se dit à un certain âge, on a été berné par certaines choses, quoi. Et nos enfants, les amis de nos enfants, nous réapprennent à nous remettre en question et à revoir les choses réellement telles qu'elles sont. Et c'est pas si évident que ça, enfin, d'essayer de retrouver un petit peu une certaine vérité. D'accord. Bah, je suis très touché par ce que tu me dis, ça me fait beaucoup de bien entendre. Alors, monsieur Soulard, monsieur Boiteau, c'est une conversation très, très, très intense, très, très, très profonde qui est en train de se produire là, sous mes yeux, sous les oreilles de nos auditeurs qui sont derrière la vitre. Qui ne nous écoutent pas du tout, d'ailleurs. Qui nous écoutent, je vois les regards. C'est très profond. Alors, je suis désolée, je vais revenir un petit peu sur ce qui s'est passé tout. Mais bien sûr, ils nous écoutent, vous voyez, vous entendez. Alors, je vais revenir un petit peu sur la chose. On parlait tout à l'heure d'absinthe. Alors, il y a M. Thérault qui est donc connecté sur le Discord, qui nous dit que, apparemment, l'absinthe est une herbacée bisannuelle. Assurément pas une fougère. Ah, Eratum, c'est bien une vivace. Ah. Voilà. Donc j'avais bien raison. Je ne sais plus ce que vous avez dit tout à l'heure, mais peut-être que oui, vous aviez raison. Alors, est-ce que vous y connaissez un petit peu en absinthe? Bah, très très peu. C'est-à-dire que j'en ai bu pas mal. Je ne savais même pas reconnaître de l'absinthe quand je suis arrivé à la Rouxière il y a 30 ans. Et ben voilà. C'était difficile d'arriver dans la maison des tarots et de ne pas reconnaître de l'absinthe. Est-ce que vous avez senti un choc peut-être? Ah non, pas de reconnaître l'absinthe, c'était pas un problème pour moi, je m'en foutais complètement. Et pour Joseph Tarot, est-ce que c'était problématique? De? Mais de ne pas reconnaître l'absinthe. Non, je crois pas. Le pauvre Joseph, je pense qu'il m'a vu arriver, il s'est dit « qu'est-ce que c'est que cet énergumène ?» Qui est celui-là? Bon, on va faire avec. Et ça fait 30 ans qu'il me subit. Est-ce qu'il s'est dit « c'est qui ce petit monsieur ?» Bon, oui, complètement, oui, c'est certainement, il s'est dit ça, oui. Mais quand tu vois que les résultats, c'est trois enfants merveilleux... D'ailleurs, je me souviens de lui, dans une j'arrive un jour au café de la Rouxière, qui était tenu par je ne sais pas qui à l'époque, et puis qui dit à ses potes, Joseph, il dit « voilà, c'est mon gendre ». Ben ouais, bon ben, tu vas faire avec, et moi je vais faire avec toi aussi. Oh là là, dis donc. Ben écoute. Ben, c'est comme ça. Oui, mais ça se passe bien. Ah bah très bien. Ça voilà. S'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. C'était très très bien. Voilà. C'est le plus important, n'est-ce pas, Léo? C'est le plus important. Bah, bien sûr. Bien sûr. Les premières impressions ne sont pas tout le temps les meilleures. Bien sûr que non. Et puis, c'est ce que je disais, quand on voit le résultat des trois enfants, bravo. Ah ben, complètement. D'avoir été ce genre. Ah non, non, non, mais ça, c'est certain que ça, c'est une chose à laquelle je suis... je ne dirais pas que je suis fier de mes enfants, parce que ça serait prétentieux et faux. Mais je crois qu'on apprend, c'est comme je te disais tout à l'heure, on apprend des jeunes, en fait. Enfin, je crois qu'il faut rester très modeste. Il ne faut pas être le vieux con qui dit « mais je sais tout » et puis vous êtes des petits cons. Pas du tout. On apprend énormément de nos jeunes. Et eux apprennent de nous aussi. Bien sûr. Si on veut bien. Et... Mais disons... Mais quoi? Ouais, tu t'entends en écho. Hein. Tu entends l'écho. Ouais, ouais, il vient de se rendre compte que. Ça me gêne beaucoup. Oui, mais il t'écoute à l'extérieur ou il t'écoute, hein? Je te le dis, je te le redis pas. Hein. Il t'écoute. Non, mais. Qu'est-ce qui nous. Nous fait vivre, nous, un peu vieux, on a vécu, mais on revit actuellement. On renaît quelque part parce qu'on se dit, tiens, nos enfants nous apprennent des choses. Moi, je suis sûr que Mado, elle apprend de vous. Sûrement. Enfin, moi, je pars du principe qu'on ne peut pas, à un moment, s'arrêter dans sa vie en disant, je sais tout. Et qu'on apprend en permanence, on apprend des autres, on apprend de soi, on apprend de ses expériences. Et que si quelqu'un, à un moment donné dans sa vie, dit « moi, je sais », bah désolé, mais vous êtes très con, parce que vous savez rien. Si vous savez tout, c'est que vous savez rien. Mais tu vois ce que tu dis, tu as une certaine quand même sagesse que beaucoup n'ont pas quand même. Ça, je sais pas. Léo le sage. Pourquoi pas ? Mais exactement. Après Jordan le comédien. Jordan le comédien qu'on n'a pas eu dans cette émission d'ailleurs. Qui va ramener son cul entre ses quatre, Jordan. Il va venir. Il n'est pas loin d'ailleurs. Je crois qu'il est là. Oui, bah, ça fait quand même plus d'une heure que je suis en ligne. Hein, j'ai pas exactement le tang, mais ça fait un moment. J'aimerais bien l'avoir avant. Mais si à un moment tu veux laisser ton poste de directrice des programmes à quelqu'un pour que tu ailles faire le truc de ta soirée, n'hésite pas à demander. Hein. Après, il faut. Je suis sûr que tu juste trouveras une Chloé Soulard qui sera prête. C'est vrai. Je peux peut-être que Chloé entend ce message d'ailleurs. Chloé, est-ce que tu peux entendre ce message et venir deux secondes. Elle l'entend avec un décalage parce qu'il y a un certain décalage. Oui, il y a un petit décalage, bien sûr. Ah, on entend qu'elle elle est en train d'entendre le message. Elle arrive bientôt. Elle rigole, elle fait un signe de la main. Ah, elle fume une cigarette. Elle tire dessus. Elle se rallonge dans son siège. Bon, écoutez, moi je vais faire une petite pause si ça vous dérange pas. Ça fait un moment que je suis là. Pas de souci. J'ai envie de faire une petite pause, prendre un moment pour moi. Je vais mettre un petit son, je vais même mettre peut-être plusieurs sons, le temps de se détendre, tout ça. Je vais mettre plusieurs musiques, je prévois, clac. J'ai peur que le logiciel bug, peut-être qu'on va perdre le direct, mais on reviendra. Côté, donc on pourra toujours réparer. Si jamais on perd le direct, on reviendra plus tard, restez connectés. En tout cas, merci de nous avoir suivis, on se retrouve tout à l'heure dans le point Roux du Rock. Peut-être que plus tard ce sera un point pété, hein. Qui sait, hein. Peut-être. Un point pété, c'est déjà pas loin. Hein. Ah. C'est pas très loin du point pété. C'est vrai que j'ai pas dit le point pété, mais parce qu'on a commencé, c'était pas un point pété. Mais il là, arrive. Je vois que... Le point pété. Il arrive. Les tambours grondent. Allez, on se dit à tout à l'heure sur Roux. Bisous. Du Rock FM.